se ti potevi cagliare. Cagliare mon amour. Vesci per tu metti di taglie. Allora mon amour. Sti dicendo di non capita. Non conforma. Pensiere del posito. Chi me posso fare? Je t'ai vu partir comme une comète. J'ai pas su tenir toutes mes promesses. Persuadé que t'en as pas de comme elle. Je savais mais je l'ai fait quand même. Ensuite reviens vers moi, n'oublie pas, je suis à toi. N'oublie pas que tu es à moi. Redis-moi dans les yeux que tu ne veux pas de nous deux. Tes mots sonnent plus comme une preuve d'amour qu'un adieu. Tu pars dans le mauvais sens, bébé. J'parle avec l'innocence d'un bébé. Tu fais couler le sang de mon corazón. Je t'ai vu partir comme une comète. J'ai pas su tenir. Je savais mais je l'ai fait quand même. Tu t'es pas libre, et d'ailleurs ton pour tu es. On baisse à mon coup pour j'connaissais. Et t'es capable de me mettre à gore. Et c'est vrai. Prends de doux. J'ai le blues. J'ai le blues. Zanni, potanio, bébé. Cato, tu sais rien. On cambia pour nous. Zanni, tu veux j'ai des bébé. Tu j'aime gagner. Rappelle-toi la première fois. Si le doute tape à ta porte, dis-toi que t'es la only one. Et si jamais tu doutes de moi, rappelle-toi la première fois. Si le doute tape à ta porte, c'est only you, only me.